le mage est sur le game qui est prêt pour le fight. Sur plus haut degré de l'échelle, kicker de la night. J'percute les victimes, les rappeurs, j'endoctrine. J'ai le talent, la big team, les gamos, le big deal. Flow, nous illucider, rappeurs, gamers, RIP, flow anti-réalité. Qui peux-tu endoctriner? Primeur, tu trimes le crime, tête à faux filet. Tu fumes, tu dis, ta masse au final fait serrer. Ces rappeurs sont schlingués, tous les cassos me soutiennent. Cagoulé, je regarde pas en l'air en attendant que les sous viennent. Inconscient comme Obama, j'ai incassé la baraque. Je bronze sur des talmas quand ces rappeurs schlingent l'arnaque. 20 piges la mentale, 10 minutes écoute, bluff. J'ken l'instrumental, j'can cracher de la 0-9. Ici fuck, ici fond, j'ai le viseur dans le siphon. T'es le tireur, j'suis le bison, t'es ailleurs, on est en mission. Ah, tous ces rappeurs t'es frais, moi j'entends tous ces connards. Quand les keufs te soulèvent, tu pars du rêve au cauchemar. Quand la rue nous appelle, la crime nous bloque dès le départ. Le jaguar a sommeil, il est temps du nouveau départ. Tous ces rappeurs t'es frais, moi j'entends tous ces connards. Quand les keufs te soulèvent, tu pars du rêve au cauchemar. Quand la rue nous appelle, la crime nous bloque dès le départ. Le jaguar a sommeil, il est temps du nouveau départ. J'ai grandi dans les entrailles d'une vitrage, donc j'évolue. Quand je freestyle, tu fais style, ça la taille, que c'était pas voulu. Juger sans me connaître, mentir peut te rendre honnête. Ils peuvent tous se mettre à soumettre, à s'affaler comme des souveraines. Blessé pas fragile, percé pas facile, malade comme à l'asile. Technique du Brésil, j'ai brasé des idées, l'idée de débile. Théorie du bitume, chante jusqu'à que tu titubes. La haine, je stipule, c'est dur, nul besoin que tu simules. Entre rue et crime, les pédales sont dans les bouchons. Chez moi, on confond pas or, diamant et les torchons. On les torche, c'est dangereux. J'suis limpide, grosse Porsche, rapide, ça se corche. Précise, musique, grosse punch. 16 crack, fesses, des stress, on est en place. On les stress, express comme des tasses. On baise en caisse, crève du tasse. T'es nu et coriace, fan des grosses liasses. Percés, rappeurs flingués, donc l'affaire s'annonce classée. Tous ces rappeurs t'es frais, moi j'entends tous ces connards. Quand les keufs te soulèvent, tu pars du rêve au cauchemar. Quand la rue nous appelle, la crime nous bloque dès le départ. Le jaguar a sommeil, il est temps du nouveau départ. Tous ces rappeurs t'es frais, moi j'entends tous ces connards. Quand les keufs te soulèvent, tu pars du rêve au cauchemar. Quand la rue nous appelle, la crime nous bloque dès le départ. Le jaguar a sommeil, il est temps du nouveau départ. Comme les PV, moi je les mets tous à l'amende. Dispose ton CV, mon vécu ne fait pas d'offrande. On gratte plus de textes, nous, qu'une miche tourneuse. On a les membres GPS, vu qu'on a les mains baladeuses. Les MC bouffent du ciment pour devenir soluble. Comme des baffes à chaque mesure, moi je prends du volume. Hagla, instinct verbal aisé, aimé que le Zeyo. T'es comme le Titanic, ta réputation a pris l'eau. J'porte du prestige, les jaloux sont en deuil. J'ai la rime qui rend aveugle pour qu'ils arrêtent de me porter l'œil. Fais les désespérés, que je pourrais lâcher mes refrains. Comme les sous ma gueule, nous on les laisse parler. Fais péter le CEO, les balançons le néo. McLaren, Bugatti, comment me suivre en Alfa Romeo. Libertine et coquille, cousine, regarde pas le Vertra. Si tu craches au PSG, gros molard comme Bernard Lama. Tous ces rappeurs t'es frais, moi j'entends tous ces connards. Quand les keufs te soulèvent, tu pars du rêve au cauchemar. Quand la rue nous appelle, la crime nous bloque dès le départ. Le jaguar a sommeil, il est temps du nouveau départ. Tous ces rappeurs t'es frais, moi j'entends tous ces connards. Quand les keufs te soulèvent, tu pars du rêve au cauchemar. Quand la rue nous appelle, la crime nous bloque dès le départ. Le jaguar a sommeil, il est temps du nouveau départ.